An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Quand les diplomates parlaient français. Ah, le français, langue internationale. Bien, d'ailleurs, quelle langue parlait Georges Ier, le roi de Grande-Bretagne, à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, avec ses ministres, ses ambassadeurs? Eh bien, le français, et oui, et il n'était pas le seul. Et pourtant, en 1714, dans sa lettre à l'Académie, Fénelon, le sublime Fénelon, se plaignait. Notre langue manque d'un grand nombre de mots et de phrases. Il me semble même qu'on l'a gênée et appauvrie depuis environ 100 ans en voulant la purifier. Pourtant, ce français-là est le français utilisé en diplomatie jusqu'au XXe siècle. Comment le français s'est-il imposé comme langue internationale et comment a-t-il été supplanté par l'anglais ? Isabelle Dasque, bonjour. Bonjour. Peut-on dire, de manière aussi nette et aussi franche, le français fut pendant, allez, on va dire, 2 siècles plus ou moins, la langue internationale, la langue de la diplomatie? Oui, c'est la langue qui est effectivement empruntée à la fois dans les délibérations, les communications diplomatiques, les délibérations, et puis effectivement c'est la langue des traités, des conventions. Encore qu'à la fin du XIXe siècle, bien sûr, l'anglais gagne du terrain et que les diplomates sont obligés effectivement de batailler pour que le français, les diplomates français, sont obligés de lutter contre les progrès enregistrés par la langue anglaise. Isabelle Dasque, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à Sorbonne Université, membre du centre de recherche du XIXe siècle, et votre thèse portait sur la recherche de monsieur Norpois. Faut rappeler qui il est. Oui, le diplomate de Proust, emblématique et assez emblématique de ce personnel diplomatique de la fin du 19e siècle. Et vous êtes l'autrice de cet ouvrage, Les diplomates de la République, 1871-1914, aux presses universitaires de la Sorbonne. Dites donc, Isabelle Dasque, c'est pratique en fait pour les historiens, les historiennes venues de France pour aller piocher dans les archives, parce que où que vous alliez en Europe, vous allez trouver des documents écrits en français. Effectivement, une grande partie de la correspondance diplomatique est en français. Ça dépend aussi des usages en cours dans les différents États et les différents gouvernements. Si vous prenez l'Angleterre, les Anglais ont quand même maintenu l'usage de leur langue dans la communication diplomatique. D'ailleurs, au début du 19e siècle, George Canning doit vraiment imposer à ses agents à l'étranger l'usage de l'anglais, ce qui n'était pas forcément... Ce qui n'était pas forcément le cas. Le français reste aussi la langue des élites européennes. Mais progressivement, effectivement, vous avez quand même une réaction, vous êtes quand même au 19e siècle, marquée par la redécouverte des identités nationales, de la langue. Et effectivement, les chancelleries vont aussi imposer leur propre langue dans leur communication, d'autant plus que rien dans le droit international n'impose le français comme langue des échanges diplomatiques. Et si l'on prend par exemple l'acte final du congrès de Vienne, il y a bien, qui est en français, il y a bien une clause qui spécifie que l'usage de la langue, que le texte ne doit absolument pas porter à conséquence, il n'y a pas à tirer à conséquence de l'utilisation du français comme langue de l'acte final du congrès de Vienne. En 1815, c'est-à-dire après la défaite de Napoléon à Waterloo, comme quoi, enfin, c'est bien pratique de dire qu'au moment où Napoléon est définitivement défait, c'est le français qui remporte lors du congrès. On observe exactement la même chose après 1871. Les grands congrès internationaux, notamment le congrès de Berlin de 1878, le congrès de Berlin de 1884-1885, eh bien, c'est le français qui s'impose comme langue des délibérations et comme langue langue des textes et des traités. Et bien justement, pour saisir à quel moment le français s'impose comme langue internationale, langue de la diplomatie, avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Lucien Belli, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à Sorbonne Université, directeur de l'Institut de recherche sur les civilisations de l'Occident moderne. Et justement, la question se pose de manière nette et franche. Peut-on dater un moment où le français s'impose, ça y est, comme langue de la diplomatie? Je pense que dès le XVIIe siècle, nous pouvons considérer que le français s'impose dans les milieux de cours et dans la correspondance diplomatique et dans les négociations de paix, en particulier dans le cadre des congrès. Dans le cadre. Allez-y, Lucien. La question, c'est d'une date précise. Souvent, on a pris comme date la date de 1714 parce que c'était un traité entre l'empereur donc de nation allemande, comme on disait, et le roi de France. Et le traité a été écrit en français et non pas en latin. C'est le traité de Rastatt, c'est celui qui met fin à la guerre de succession d'Espagne. C'est intéressant, c'est un des traités, effectivement, parce qu'il y a eu il y en a d'autres, mais sur cette mise en place du français, je pense qu'il faut remonter un petit peu plus loin, parce que la décision ne s'impose pas comme ça. Le français devient une langue diplomatique, une langue des élites. Tout doucement, nous en cherchons les raisons. Peut-être est-elle à chercher dans la révocation d'un édit. Devant l'exode des protestants, beaucoup d'entre eux ayant une importance certaine dans la bonne marche du pays, on essaie souvent d'amortir le coup. Le brave public ne comprend guère comment une simple soumission au pouvoir suffit à absoudre complètement le criminel d'hier. Sur le timbre guilleret de Joconde, un chansonnier nous donne le moyen d'échapper aux ennuis qu'apporte aux protestants la révocation de l'édit de Nantes. Il n'y a qu'à se convertir, sinon de cœur, du moins en apparence, et le tour est joué. Pour être des fermes du roi, on se fait catholique. Chaque fermier change de foi, ou bien lui fait la nique. La perte que l'enfer y fait n'est pas telle qu'on pense. Car tout mal taudis, quel qu'il soit, est au diable d'avance. La révocation de l'édit de Nantes en 1685, évoquée à la radiodiffusion française en 1961. Lucien Belli, le fait que Louis XIV révoque l'édit de Nantes et que de nombreux protestants quittent la France pour s'installer un peu partout en Europe, a-t-il un effet pour expliquer le français comme langue internationale ? Il est certain que cette présence de huguenots français réfugiés un peu partout en Europe, c'est d'ailleurs la deuxième vague d'émigration. Et il y en avait déjà eu une première au XVIe siècle. Donc, ces Français installés dans des pays étrangers, qui apportent souvent d'ailleurs des idées administratives ou des talents littéraires, eh bien, cette présence des Français a probablement structurer aussi les coalitions contre Louis XIV. Alors paradoxalement, le monde mobilisé contre la France, l'anti-France, l'autre France, celle de l'étranger, par les Français, avait des périodiques en français, en particulier ceux qui paraissaient en Hollande, et par là même, il y a eu un monde politique international qui parlait français. Et beaucoup de princes, par exemple, ou de généraux avaient près d'eux des secrétaires qui leur servaient aussi d'interprètes en français, qui aussi écrivaient leur correspondance dans une belle langue française, et qui eux-mêmes devenaient en quelque sorte des chefs d'information, des hommes qui avaient une action internationale. Je pense par exemple auprès du duc de Marlborough, John Churchill, il y avait Adam Cardonnel, près du duc de Hanovre, qui sera le premier Hanovre roi d'Angleterre et d'Écosse, il y avait Jean de Robton. On voit bien qu'il y a là tout un monde qui se forge de précepteurs, de professeurs, d'interprètes, de secrétaires, qui parlent et écrivent français et qui font passer aussi certaines idées françaises. et aussi rendre la langue française plus commode. Il y a une grande question qui se pose, c'est de savoir si les milieux de cour, les rois, les princes, ont parlé d'abord français, peut-être dès le Moyen-Âge, et progressivement cette langue s'est imposée aux représentants, à leurs représentants, les diplomates, ou bien ce sont les diplomates qui progressivement ont imposé à l'ensemble des gouvernements européens l'usage commun du français. Et ça, c'est une question difficile à laquelle il faut répondre. Par exemple, notre collègue Jérémy Blanc, qui s'est repris par des jeunes chercheurs, certains historiens donc désormais pensent que la pratique française de la diplomatie était plus détendue par rapport en particulier au modèle Habsbourg, espagnol, autrichien, et que cette forme relativement souple a beaucoup plu à l'Europe. Car finalement, vous voyez, le premier enjeu avant de penser à l'anglais, c'est pourquoi le français a remplacé le latin. Ça, c'est la question majeure, effectivement, Lucien Belli. Le latin étant langue internationale, nous le saisissons, remplacé tout doucement par le français. Effectivement, les Huguenots quittent la France et permettent de diffuser le français, mais vous le dites très clairement, il y avait déjà un substrat, un attrait pour la langue française. Comment peut-on l'expliquer, cet attrait pour la langue française, par sa simplicité d'expression, par la manière de donner précisément les idées, les notions qui conviennent très bien à la diplomatie? Je pense en effet que la mutation de la langue française au XVIIe siècle, et vous avez cité tout à l'heure la belle phrase de Fénelon qui trouve que c'est un appauvrissement, eh bien cette purification, entre guillemets, de la langue française, sa simplification, a probablement permis aux Français de s'imposer par rapport au latin. Il faut bien voir que ce qui compte pour les diplomates, c'est d'avoir une langue que tout le monde peut à peu près comprendre. Ce que l'on ne veut pas, ce sont les ambiguïtés. Si vous laissez dans un traité un mot ambigu, une notion délicate, c'est forcément une source de tension, de difficulté et par là même de guerre. Donc, vous le voyez, il y a là le souci d'avoir un vocabulaire simple, des formulations claires, et le latin en ferait cela. C'était la langue de Cicéron, de César, avec une très forte richesse politique. C'était une langue qui avait apporté beaucoup de notions politiques. Donc, le remplacement par le français n'a pas été si simple. Et d'une certaine façon, je pense en effet qu'il y a une langue qui s'est imposée, qui n'est peut-être pas la même que celle que l'on pratiquait même dans la littérature. Quand vous regardez au XVIIIe siècle la langue écrite de Voltaire par rapport à celle du duc de Saint-Simon, ce n'était pas la même. Voltaire écrit pour un public, le duc de Saint-Simon écrit pour lui-même ou pour la postérité, et ce n'est pas la même langue. Et finalement, la langue de Voltaire, c'est celle-là que la diplomatie européenne va adopter. Et ce n'est pas forcément un signe de pouvoir. Vous l'avez dit déjà à plusieurs reprises. Au contraire, le français s'avère utile avant de devenir indispensable. C'est très intéressant. Il faut surtout se garder de cette formulation un peu triomphaliste d'universalité. C'est Rivarol qui a répondu à cette idée de l'universalité de la langue française. Ce sont des notions, ce sont des affirmations qui choquent nos contemporains européens. Donc, si l'on veut bien réfléchir sur la langue, il faut modérer cette formulation. C'est peut-être dans les grands moments de faiblesse, et le linguiste Gilles Soufi l'a bien noté, c'est dans des moments de faiblesse de la puissance française que le français s'est imposé finalement. En 1763, par exemple, l'une des pires paix subies par la France, on rappelle que dans le traité avec la Grande-Bretagne, qu'on écrira en français sans que ça puisse porter à conséquence ça ne doit pas tirer à conséquence ni porter à préjudice. Oui, parce que Lucien Belli, vous avez raison d'insister sur ce point entre le fantasme d'un français langue internationale reconnue, parlée par tout le monde, et puis la réalité, il y a quand même un écart évident. Et ce moment particulier du début du XVIIIe siècle, quand le français s'impose comme langue des traités, s'explique aussi par le contexte de guerre. Allez, nous partons en 1709 pour la bataille de Malplaquet. C'est la plus terrible bataille qui eut lieu sous la guerre de succession d'Espagne. Et pourtant, cette bataille a été un peu oubliée. Comment l'explique-t-on ? Ben moi, je pense qu'elle a été très longtemps considérée comme une défaite pour les Français. Et c'est ce qui fait que peut-être on en soit resté là. Et c'est peut-être Denain qui a primé pour Malplaquet. Il est plus flatteur, évidemment, de se souvenir des victoires. En 1712, 3 ans après Malplaquet, le maréchal de Villars battra en effet les Hollandais à Denain. Victoire qui permettra au roi d'obtenir une paix honorable. En 1713, le traité d'Utrecht fixe les grandes lignes de ce qui est aujourd'hui la frontière franco-belge. Tout le monde connaît la chanson « Malbrook s'en va en guerre ». Elle a été composée, je crois, à la suite de la bataille de Malplaquet. Dans quelles circonstances ? Les soldats français avaient fait courir le bruit que Marlborough était mort. Et c'est à Orsainval que la chanson aurait été écrite par des soldats français. C'était donc une chanson de marche, mais comment est-elle devenue ensuite une chanson pour enfants ? C'est la reine Marie-Antoinette qui a instauré cette chanson-là. Pour endormir, je pense, le dauphin. Oui, elle la tenait elle-même d'une nourrice originaire du nord de la France. Mais contrairement au texte de la chanson, Monsieur de Malbrook n'est pas mort à Malplaquet. Il n'y a été que légèrement blessé. La légende raconte que chaque année, la nuit du 11 au 12 septembre, le plateau est parcouru par les fantômes des cavaliers tués à Malplaquet. Une vingtaine de membres de l'association Navarre et Picardie a d'ailleurs décidé d'y bivouaquer dans la nuit de samedi à dimanche pour tenter, peut-être, de les apercevoir. Malbrook s'en va en guerre, mirotant, mirotant, mirotaine. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il reviendra sa Pâque, mirotant, mirotant, mirotaine. Il reviendra sa Pâque, ou à la Trinité, ou à la Trinité, ou à la Trinité. La Trinité se passe, mirotant, mirotant, mirotaine. La Trinité se passe, Malbrook ne revient pas. Malbrook ne revient pas, Malbrook ne revient pas. Madame à sa tourmente, mirotant, mirotant, mirotaine. Madame à sa tourmente, si haut qu'elle peut monter, si haut qu'elle peut monter, si haut qu'elle peut monter. Elle aperçoit son page, mirotant, mirotant, mirotaine. Elle aperçoit son page, tout de noir habillé, tout de noir habillé, tout de noir habillé. Malbrook s'en va en guerre, mirantant, mirantant, mirantaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Nasser Moussa. Oui, tous les deux sont en train de rigoler face à moi, conscient pleinement qu'aujourd'hui dans toute la France, eh bien tout le monde va chanter toute la journée Malbrook s'en va en guerre. C'est dur enlever ces chansons de la tête. Dites-nous Lucien Belli, quand nous évoquons ces chansons populaires, et c'est intéressant d'ailleurs pour l'histoire de cette chanson, nous avons une chanson en français. Mais il y a une réalité de la langue. Vous nous avez bien dit qu'il y a ce français de la diplomatie qui n'est pas exactement le français de la littérature ou le français parlé. Il faut rappeler qu'en France, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, il y a énormément d'autres langues. Les gens ne parlent pas français. Le français est une langue étrangère pour certains. Oui, c'est assez étonnant de penser que beaucoup de princes, de ministres, de diplomates ont parlé français et ne parlaient pas forcément la langue de leur sujet. Aujourd'hui, ça nous paraîtrait absolument étonnant, mais d'une certaine façon, c'est une pratique assez coutumière. Réfléchissons par exemple à Louis XIV. Hein, Louis XIV parle bien français, sa mère est une Espagnole, elle parle plutôt bien le français. Mais Mazarin le parlait assez mal. Il avait un fort accent, ce qui n'a pas empêché il a signé de très belles lettres en français, probablement écrites par d'autres et qu'il signait. La femme de Louis XIV, Marie-Thérèse, elle est espagnole, elle parle très mal le français. Les courtisans font semblant de la comprendre en réalité, et personne ne la comprend vraiment. Il a une belle-fille allemande, une belle-sœur allemande. Sa belle-sœur allemande, c'est Madame Palatine, elle passe son temps à écrire des lettres allemandes. Donc vous voyez déjà dans les milieux de cour, ce que j'appelle la Société des Princes, il y a une tradition très forte de cosmopolitisme, de mélange de langues, et on doit bien faire avec, d'une certaine manière. On vit ensemble, donc il y a une habitude, finalement, de trouver des moyens de communiquer. Il y a des intermédiaires, des personnes qui permettent de traduire. Donc, toute cette mécanique de cours est finalement reprise aussi dans le monde de la diplomatie. Je pense aussi, et c'est important, et c'est là aussi, il faut être très prudent lorsque l'on parle de la langue française, que par définition, ça devient la langue des élites, la langue des princes, la langue des diplomates, plus que la langue des peuples. Et d'une certaine manière, est-ce que le choix du français, langue élégante, langue qui apparaît comme une langue de l'aristocratie, de la noblesse, eh bien, est-ce que c'est pas une façon aussi de tenir à distance d'abord les personnes qui pourraient se mêler des affaires politiques. Et cela va renforcer encore le fossé entre ce monde des cabinets, cet international des princes et des diplomates, et les peuples. Le sentiment, à la fin du XVIIIe siècle, les peuples ne sont pas intéressés à la diplomatie, aux relations internationales, ce qui a bien été développé, par exemple, par Marc Bélissa. Et Linda et Marsha Fry sur la diplomatie révolutionnaire. Donc, vous le voyez, le français va être aussi le symbole d'une certaine forme de domination, d'un plat de riche, comme disait Jean Giraudoux. Et là, il faut donc être très prudent en montrant bien qu'il y a une sorte de distance politique et de distance sociale. Si plus tard, en Russie, on parle français, c'est aussi pour ne pas être écouté par les domestiques. Oui, ça, ce sont des phénomènes de distinction très nets, hein. Effectivement, Lucien Belli, justement, Isabelle Dasque, ces phénomènes de distinction évoluent sur des temps très longs, beaucoup plus longs d'ailleurs que celui de la diplomatie ou du traité. Ce sont des phénomènes qui se mettent en place fin XVIIe siècle, XVIIIe siècle, avec le français comme langue de la diplomatie, et qui demeurent durant tout le XIXe siècle, avec des structures sociales plus ou moins similaires. Oui, effectivement, les diplomates se recrutent encore dans un milieu aristocratique, même s'il y a quelques formes de démocratisation, en tous les cas en ce qui concerne le personnel diplomatique français. Mais juste pour revenir à ce que disait sur Lucien Belli, effectivement, il y a un français international aussi qui va s'imposer et qui est parfois pas très respectueux des subtilités grammaticales ou syntaxiques. C'est par exemple à la SDN, où finalement se met en place dans les années 20-30 une langue internationale, un français international et un anglais international, peu respectueux des règles grammaticales, mais facilement compréhensibles par tous. Oui, et puis cette langue internationale, nous voyons qu'elle évolue au sens même de langue, de mots utilisés, de vocabulaire. Isabelle Dasque, dans ce français de la diplomatie, trouvons-nous une forme de français simplifié de façon à être plus facilement accessible au grand nombre ? Oui, alors je parlais du cas de la SDN. Alors le langage diplomatique en lui-même a parfois effectivement conservé des mots français, notamment pour désigner toutes les fonctions diplomatiques, chargé d'affaires, consul, vice-consul, attaché. Et puis il y a aussi d'autres mots français qui ont été transposés ou qui ont été traduits ou anglicisés. Mais effectivement, vous avez un langage assez accessible à tous. Et comme le rappelait Lucien Belli, les élites européennes parlent encore très largement français. Les salons qui constituent quand même un des lieux d'information sont fréquentés par une élite francophone. Je pense par exemple au salon à Berlin de la princesse Radziwill, qui est une princesse d'origine française, mais mariée à un Prussien, dont son mari était l'aide de camp de Guillaume Ier. C'est dans ce salon que se pressent à la fois les diplomates, mais aussi les représentants de la cour et des milieux officiels de Berlin. Voilà, le français comme signe de reconnaissance sociale. Nous parlons la même langue, nous sommes du même milieu, d'où que nous venions en Europe. Vous avez tout à l'heure évoqué le congrès de Vienne, hein, donc ce grand congrès après la chute de Napoléon. Eh bien, nous y allons, enfin pas exactement au congrès de Vienne, non, nous allons dans un endroit beaucoup plus réduit, beaucoup plus intime, et nous restons à Paris, c'est le souper Talleyrand-Fouché. Sans doute vous allez rire, Fouché. Mais cette fois, je suis sincère. Dans ma jeunesse, j'ai eu une ambition pour la France. Je l'aurais voulu exemplaire. Une France exemplaire où l'on aurait parlé paisiblement la plus belle langue du monde. Il est bien malheureux que l'empereur n'ait pas eu cette même idée de la France. Lui ne l'aimait que débordant de ses frontières naturelles. En cru, si j'ose dire. Cette France-là, batailleuse, aspirant à toute l'Europe, ne me disait rien qui vaille. Napoléon, dans ses fureurs, a tué la douceur de vivre. La Restauration va ramener dans ses fourgons les privilèges. Elle ne donnera pas de génie aux privilégiés. En somme, vous n'avez trahi que par vertu. Je n'ai jamais abandonné un prince avant qu'il ne se fût abandonné lui-même. Un fidèle au régime. J'ai toujours été fidèle à la France. Et puis je vais vous faire un aveu, tout ça. Ce qu'on dit de moi, je m'en fous. Oh bah dis donc, Talleyrand, c'est pas très bien d'utiliser ces mots-là. Claude Riche, sublime Talleyrand, Claude Brasseur, Fouché, sublime tout autant dans Le Souper, le film d'Edouard Molinaro en 1992, d'après la pièce de Jean-Claude Briseville. Justement, il est question ici de la grandeur de la France. Nous sommes en 1815, nous sommes à ce moment très particulier où l'Europe a été chamboulée par l'épisode napoléonien, mais nous retrouvons Lucien Bély, cette idée de grandeur de la France. Et là, il y a un trait d'union à tirer sur un temps beaucoup plus long, de Louis XIV à Napoléon, la grandeur de la France, qui pourrait passer par sa langue? Alors, c'est une question très importante. Est-ce que la puissance d'un pays conduit à affirmer sa culture dans une zone beaucoup plus large? Ou bien est-ce que la puissance utilise la culture comme un soft power, comme on dit aujourd'hui, pour justement accompagner la conquête, finalement. Et très tôt, par exemple, au temps de Louis XIV, certains auteurs, comme le père Bourg, notaient que à Bruxelles, les dames de Bruxelles étaient curieuses de livres et de modes français, mais qu'ils notaient aussi que le peuple même, tout peuple qu'il est, voyez le mépris social, apprend le français comme par un instinct secret qu'il avertit, malgré lui, qu'il doit un jour obéir au roi de France comme à son légitime maître. Vous voyez, il y a donc une construction idéologique selon laquelle les progrès de la langue peuvent annoncer les progrès des armes. Donc, très très tôt, cette idée a germé. Et là, il faut s'appuyer sur ce que disent les historiens de la langue, qui montrent qu'en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Ce sont des écrivains qui écrivent en français et qui ont eu aussi tendance à mettre en avant leur talent. C'est le cas aussi de Voltaire. C'est-à-dire, dans la mesure où ils sont les experts de cette langue, ils peuvent proposer leurs services. Et Voltaire, vous voyez, était au service de Frédéric II, qui a beaucoup écrit, et il a écrit en français, alors que c'est un homme, un prince qui a fait la puissance de la Prusse. Et on voit bien qu'il y a, chez ses auteurs aussi un filon en quelque sorte. Comment le français est devenu cette langue internationale, et le lien qui est fait avec la littérature est extrêmement pertinent, mais le français, nous le savons, a été supplanté par l'anglais. C'est pas si grave que ça, parce que nos présidents maîtrisent l'anglais. Exemple avec quelques-uns, nous commençons par Valéry Giscard d'Estaing. If you wish, I can try to say it in English. Please be silent. Do not disturb me. France Culture. Je dis de toute la force de mon esprit et de mon cœur, Happy birthday, United States. Happy birthday, Miss Liberty. Le cours de l'histoire. Win the yes, need the no to win, against the no. Xavier Mauduit. Eh bien voilà, nous avons quelques jolis présidents qui parlent anglais dans le cours de l'histoire. Mais la question qui se pose est de savoir comment ce français, Lucien Belli, vous nous avez dressé un très beau panorama. Langue d'élite, langue de la culture, qui devient cette langue, mais presque naturellement internationale, sans qu'il y ait de décision majeure. Comment devient-elle cette langue imposée lors des traités ? Nous partons à Berlin en 1885. N'oubliez pas, messieurs, que le Portugal a introduit les germes de la civilisation en Afrique. Je vous remercie, monsieur le marquis. Les délégués américains Casson et Sanford seraient-ils disposés à communiquer à cette assemblée les positions du Nouveau Monde ? With pleasure. Gentlemen, my government would be in favor of any agreement which rendered these lands neutral and which protected them from armed attack. And to that... Je rappelle à tous les délégués qu'il est d'usage que nos communications soient données en langue française, conformément aux règles de la diplomatie internationale. Merci. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je vous en prie. À cette fin, une association internationale a été établie sous le haut patronage d'un philanthrope européen. Je parle évidemment de Léopold II, roi des Belges. Le congrès de Berlin, La ruée sur l'Afrique, le documentaire en fiction diffusé sur Arte de Joël Kamet. Justement, Isabelle Dasque, nous entendons ici de manière très claire le français et la langue qui est imposée pour la diplomatie. En l'occurrence, il s'agit là d'un traité international. J'imagine bien que quand la France n'est pas mise en cause dans un traité, ce n'est pas le français qui est utilisé. Si, ça pourrait quand même. Là, c'est pas le cas de la conférence de Berlin. Voilà, à Berlin, la France est là, donc c'est logique. Voilà, la France est là. Jusqu'à présent, non. Même lorsque la France est mise en cause, ou en tous les cas, il s'agit de régler le sort de la France après, en 1815 ou après 1871, ou en 1871, le français est toujours utilisé. C'est la langue du traité de Francfort, par exemple. Voilà, mais un traité qu'il y aura entre l'Allemagne et la Russie, on n'utilise pas le français. On va utiliser une des deux langues, ou ça pourrait être le français qui... Ça pourrait être le français, tout à fait. Je pense, par exemple, au traité de Portsmouth entre la Russie et le Japon. C'est le français qui a été utilisé. Et c'est d'ailleurs un des arguments qui est emprunté notamment au moment de la conférence de Berlin, de Paris, pardon, lorsque l'anglais gagne du terrain. Effectivement, Pichon va rappeler ce précédent. Alors là, ce qui est intéressant dans la conférence de Berlin de 1884-85, c'est quand même la première fois que sont présents des plénipotentiaires américains. Et comme on l'a vu, ils essayent effectivement d'engager la discussion en anglais, et très vite ils sont rappelés à l'ordre. Il faut savoir effectivement que les Américains, les diplomates américains ont essayé effectivement à la fin du 19e siècle d'imposer l'anglais comme langue internationale, et il y a quelques précédents notamment de la conférence de Washington en 1884. Vous savez, cette conférence qui devait uniformiser l'organisation du globe en 24 fuseaux et décider du choix du méridien de référence, eh bien là, le délégué français a dû batailler pour que le français soit maintenu comme langue internationale. Quand nous évoquions le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, c'est vrai, Lucien Belli nous l'a rappelé, la notion de nation n'est pas la même qu'aujourd'hui. Entre les élites et puis le peuple, ben, il n'a pas cette construction que l'on connaît au XIXe siècle, cette notion d'état-nation, Isabelle Dasque. Est-ce que le fait qu'un pays se définisse par sa langue au XIXe siècle renforce les rivalités entre les différents pays, parce que d'un seul coup, l'hégémonie du français devient problématique? Alors l'hégémonie, le français est aussi un outil politique qui doit aussi asseoir une influence politique et c'est aussi un des piliers d'une diplomatie culturelle. Donc effectivement, la diffusion de la langue sert aussi les intérêts politiques d'une nation. C'est la raison pour laquelle les diplomates français ont soutenu toutes les initiatives en faveur de la diffusion de la langue française. Ils ont soutenu la promotion de la langue, que ce soit celle enseignée par les écoles des congrégations, mais aussi par l'Alliance française, par l'Alliance israélite universelle, par la mission laïque. Effectivement, il y a un engagement fort avec l'idée que la langue française doit effectivement consolider une influence politique et en tous les cas doit aussi servir de base à une véritable diplomatie culturelle. Isabelle Dasque, nous allons partir à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez bien, ça va vous faire plaisir. Attention, il arrive, voici Monsieur de Norpois. Ma mère s'émerveillait qu'il fût si exact, quoique si occupé, si aimable, quoique si répandu, sans songer que les quoique sont toujours des parce que méconnus, et que de même que les vieillards sont étonnants pour leur âge, les rois pleins de simplicité, et les provinciaux au courant de tout, c'étaient les mêmes habitudes qui permettaient à Monsieur de Norpois de satisfaire à tant d'occupations et d'être si ordonné dans ses réponses, de plaire dans le monde et d'être aimable avec nous. Elle ne considérait pas qu'un dîner chez nous fût, pour M. de Norpois, un des actes innombrables de sa vie sociale. Elle ne songeait pas que l'ambassadeur avait été habitué autrefois dans la diplomatie à considérer les dîners en ville comme faisant partie de ses fonctions et à y déployer une grâce invétérée dont c'eût été trop lui demander de se départir par extraordinaire quand il venait dîner chez nous. Le cours de l'histoire sur France Culture se trouve à l'ombre des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust évidemment, une lecture de Marion Malenfant. Justement, Isabelle Dasque, dans cette figure du diplomate, et là nous avons ce diplomate proustien absolu, il y a ici un imaginaire qui s'inscrit dans une forme de réalité. Malgré tout, le diplomate existe, le diplomate qui doit parler français. Oui, le diplomate français doit effectivement, c'est d'ailleurs ce qu'écrivait finalement François Charles-Roux, qui avait été jeune diplomate en Angleterre et qui expliquait que finalement ce qu'on attendait d'un diplomate français, c'est qu'il manie très très bien la langue de Molière, en étant convaincu que le français était finalement très adapté à la diplomatie du fait de sa clarté, de sa précision, de la logique et de l'ordre dans l'exposé des faits, des motifs. Et que ça en faisait effectivement la langue de la diplomatie par excellence, du fait de ses qualités qui lui étaient prêtées. Certains diplomates parlaient de cette précision géométrique. Là, je pense à Harold Nicholson, diplomate britannique, qui reconnaissait aux Français justement cette précision géométrique qui en faisait une langue, qui en faisait vraiment la langue privilégiée des diplomates. Écrivains et diplomates, l'invention d'une tradition, 19e, 20e siècle, 21e siècle, même publié chez Armand Collin. Bah, vous y avez participé, Isabelle Dasque, Lucien Belli aussi. Donc voilà, les spécialistes de la diplomatie se retrouvent dans cet ouvrage. Lucien Belli, justement, sur cette idée d'écrivain et de diplomate. Il y a une longue tradition, mais là, nous parlions de cette figure du diplomate. Il y a aussi beaucoup de fantasmes dans ces stéréotypes qui se mettent en place. Un diplomate, dire le mot, ça évoque tout un champ, tout un univers. Et ça, c'est en grande partie aussi une construction. Alors, il faut faire une première remarque, c'est que le mot diplomatie s'impose très tardivement, puisqu'il apparaît en gros à la fin du 18e siècle, au moment de la Révolution, et c'est un mot plutôt péjoratif. C'est le moment où on met en cause le secret des cabinets, et ce petit monde dont j'ai parlé, et les gouvernements révolutionnaires ont plutôt insisté sur la transparence. Et progressivement, le mot diplomate, qui vient de diplôme, s'impose pour caractériser finalement toute cette activité de relations extérieures. Et de façon étonnante, c'est un signe, ce mot va avoir un très grand succès. Il est présent dans toutes les langues, pratiquement, peut-être pas le chinois, mais en russe, en arabe, le mot existe. C'est-à-dire que la notion même de diplomatie, la réalité du diplomate devient très claire à ce moment-là. Et comme vous le dites très bien, c'était un moment où les choses se sont simplifiées. Auparavant, on distinguait volontiers, je dirais, l'ambassadeur, qui est un grand seigneur, qui représente le roi, généralement un duc, avec des carrosses, qui est une figure emblématique, environnée de cérémonial, et puis derrière lui, des équipes, des secrétaires, des juristes, qui travaillent pour lui. Et dans l'ombre du diplomate apparaît justement ce secrétaire comme Rousseau. Rousseau a été secrétaire de l'ambassadeur de France à Venise. Il en a gardé un très mauvais souvenir et il s'est fâché avec lui. Et il montre bien à quel point l'ambassadeur avait peu de poids politique, et c'est lui qui faisait tout le travail, qui rédigeait, qui déchiffrait les dépêches, puisqu'elles étaient chiffrées, elles étaient codées. Et donc, tout un travail qui nécessite une très bonne expertise de la langue. Et on voit bien surgir progressivement ce technicien de la langue qu'est aussi le diplomate. Et dans la formation du diplomate qui va s'uniformiser, finalement, Isabelle Das qui est beaucoup mieux à même d'en parler, eh bien la langue, une certaine maîtrise de la langue, en même temps qu'une origine sociale particulière, deviennent des conditions importantes du métier. Et cette langue, cette façon d'écrire, vous le voyez, eh bien elle est née, elle s'est imposée au XVIIIe siècle avec des figures qui ne sont pas des représentants de premier plan. Ce sont plutôt des hommes de second plan. Et finalement, quand on y songe, pour un homme de lettres, pour un homme, un poète du XVIIe ou du XVIIIe siècle, qui n'appartient pas à la noblesse, qui n'a pas de revenus, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit il entre dans l'Église et il essaye d'avoir un bénéfice ecclésiastique, soit il entre au service d'un grand dont il écrit la correspondance ou dont il parfait la correspondance, il corrige la correspondance. Et de là, vous le voyez, c'est cette mise en avant de l'écriture. Et ce qui me frappe dans les correspondances et peut-être justement dans cette affirmation du français, c'est peut-être ce que tout à l'heure Isabelle Das appelait la clarté, ce que Rivarol aussi appelait la clarté, c'est-à-dire une structure très claire. Je suis frappé dans les dépêches du XVIIIe siècle d'abord de noter qu'elles sont très bien écrites d'un point de vue graphique, c'est-à-dire qu'elles sont très claires, on lit bien les lettres, et ça c'est important. C'est important. Il n'y a pas oui. de volonté d'avoir des lettres et des graphies compliquées. Et puis surtout une excellente syntaxe. La ponctuation n'est pas bonne. On met des majuscules n'importe comment. En revanche, la pensée est très claire. On ne manque pas un imparfait du subjonctif. Aujourd'hui, peu de Français pourraient écrire un français de ce genre-là, puisqu'il faut absolument que l'imparfait du subjonctif soit respecté. Et l'imparfait du subjonctif, ça montre le fil de la pensée, le raisonnement, la cohérence du raisonnement. Et on voit bien comment, dans cette rhétorique et dans cette argumentation diplomatique, on avait besoin d'armes linguistiques. Et cette langue française qui se met finalement en place au XVIIIe siècle, eh bien, elle va remplir en quelque sorte cette fonction qui permet progressivement aux Français d'être à la fois une langue de l'intimité. Marie-Thérèse, l'impératrice reine sur laquelle Elisabeth Banater vient d'écrire un beau livre à propos de ses relations avec ses enfants, eh bien, elle entretient une grande correspondance, c'est une correspondance familiale, éducative, pédagogique, elle se fait en français. Et en même temps, les archives russes jusqu'au XIXe siècle, les archives russes sont en français. C'est-à-dire qu'on... Et là, c'est peut-être pour l'historien d'aujourd'hui, l'historien du XXIe siècle, ce qui apparaît probablement le plus surprenant. Que l'on parle le français lorsqu'on est avec un étranger, passe encore. Mais qu'un département entier, le département des affaires étrangères de Russie, ait des archives en français... Que deux diplomates néerlandais se échangent des lettres en français, voilà qui est très surprenant. Que le roi d'Angleterre, George Ier, parle à ses ministres en français, voilà qui est très très surprenant. Et c'est ce qui nous surprend. C'est aussi cela que nous avons à déceler. Et comme vous l'avez bien montré, cela prend à partir du XVIIIe siècle une dimension nouvelle, puisque progressivement, ce champ diplomatique, ce jeu diplomatique qui valait, disons, pour une Europe occidentale limitée, va prendre désormais la dimension du monde. La dimension du monde avec justement ce lien entre l'écrivain, la figure de l'écrivain et la figure du diplomate. Dites-nous, Isabelle Dasque, dans Les diplomates de la République 1871-1914, avez-vous rencontré beaucoup d'écrivains ? Alors des écrivains, beaucoup d'historiens, puisque vous citiez cet article, beaucoup d'historiens, beaucoup d'hommes de lettres. Finalement, au XIXe siècle, à part les grands exemples que vous connaissez, Chateaubriand, Stendhal, Lamartine, ce sont plutôt non pas des écrivains en tant que tels, mais surtout des hommes de lettres. La tradition de l'écrivain diplomate va peut-être encore davantage s'imposer au XXe siècle, avec les figures de Giraudoux, de Paul Morand, de Claudel, d'Alexis Léger, Saint John Perse en littérature. Voilà, donc c'est peut-être le XXe siècle où vraiment l'écrivain diplomate qui mène à la fois une carrière de diplomate mais aussi d'écrivain va véritablement s'imposer. Eh bien, Isabelle Dasque, vous avez l'élégance de m'en laisser un, c'est Romain Gary. Quel diplomate étiez-vous ? J'ai été bien noté. Je ne crois pas avoir commis d'impair. Tout le monde m'a toujours dit, mais enfin, comment pouviez-vous, en étant diplomate, écrire le livre que vous avez écrit ? Par exemple, le grand vestiaire qui se passe dans les bas-fonds, eh bien, je n'ai jamais eu de problème. Le quai a été extrêmement libéral. Je n'ai jamais eu la moindre difficulté avec aucun de mes livres. Eh bien, on aurait pu carrément me reprocher d'avoir écrit un livre qui, traduit dans tous les pays, donne une image noire et négative de la France. Est-ce que vous n'avez pas eu de peine à vous adapter tout de même au vocabulaire du quai ? Ce n'était pas celui que vous aviez avec vos camarades d'escadrille. Écoutez, alors là, évidemment, il s'est posé la question du vocabulaire. Parce que dans l'aviation, j'ai passé tous les grades, de caporal à capitaine, et c'était un peu le langage de légion étrangère. Et au quai, et en poste à l'étranger, il fallait se surveiller. Mais j'ai quand même pu conserver une certaine verdeur, pour ne pas dire plus, du langage, parce que mes chefs, ce que j'ai vu, ont compris eux aussi que dans cette Europe et dans cet univers d'après la libération, d'après la guerre, il était bon que la France fût représentée à l'étranger par quelqu'un qui n'était pas entièrement un homme de bureau. Romain Gary qui s'exprimait en 1969 sur France Culture pour évoquer justement sa carrière de diplomate. Alors avec Romain Gary, nous nous trouvons après la Seconde Guerre mondiale. C'est un diplomate évident, Romain Gary, c'est un écrivain également, mais qui doit parler sans doute anglais. Isabelle Dasque, à quel moment le français a perdu la bataille de la diplomatie de s'imposer comme langue ? Alors peut-être en 1919, lors de la conférence de Versailles, bien sûr, je renvoie aux excellentes études de Vincent Lagnol sur le sujet. Effectivement, c'est à ce moment-là où le bloc anglo-saxon fait front et remporte cette bataille linguistique qui s'engage dès les lendemains de l'armistice, quand il s'agit de mettre, d'organiser la conférence et donc de choisir une langue. Et effectivement, il a fallu, c'est surtout les Américains qui ont exigé que l'anglais soit reconnu à égalité avec l'anglais. Donc il y a toute une discussion qui va s'engager. Égalité anglais-français, malgré tout, le français n'est pas exclu. N'est pas exclu. Voilà. Mais les deux versions devant faire foi, la version anglaise et la version française. Et effectivement, les Anglais, les Anglo-Saxons vont prétendre, ou en tout cas vont invoquer l'argument numérique en disant que effectivement les nations représentées à la conférence de la paix, il y a 27 nations qui sont représentées. Il faut se rappeler que les Dominions sont représentées, l'Inde aussi, et que finalement ce sont les nations anglo-saxonnes qui sont les plus importantes. Et puis Wilson, qui avait déjà finalement cédé sur le choix du lieu de la conférence, qui avait cédé sur la présidence de la conférence confiée à la France, voulait absolument que l'anglais puisse aussi illustrer la promotion d'une nouvelle diplomatie, avec l'idée qu'il fallait renouveler les pratiques de la diplomatie, et que cette diplomatie devait aussi être adossée à ce tribunal de l'opinion, et que l'opinion était finalement l'opinion mondiale était finalement beaucoup plus maîtrisée, parlait davantage anglais que français. Et puis Clémenceau lui-même parlait anglais. Malheureusement, puisque c'est au Conseil des Quatre, finalement, c'est l'anglais qui s'est imposé, Clémenceau maniant très très bien la langue de Shakespeare. Merci vivement Isabelle Dasque, et puis merci beaucoup aussi à Lucien Béry.